enfants de tout pays, bonjour. Vous êtes bien sur Radio Pagette Nancy 94.2. Yves et Valentin sont à la technique. Daniel en votre compagnie pour vous présenter Patchwork à l'écoute des musiques du monde. Alors aujourd'hui, une émission spéciale au cours de laquelle nous parlerons de basket, de Nouvelle-Calédonie et surtout de Cinderella Fanaloupé. Basket, eh bien, le représentant du club de basket Nancy Tomblaine a dû oublier le rendez-vous que nous avions. Alors, c'est pas grave. En deux mots, je vais tenter de me le substituer à lui pour vous présenter le club. Bon, donc, Nancy, ça joue à Tomblaine. Nancy-Tomblaine, ASPTT Nancy. Des équipes, alors effectivement, beaucoup d'équipes de jeunes. On appelle ça les U7, c'est les moins de 7 ans, c'est ça? Oui. Les U9, les U11, les U13, les U15. Deux équipes masculines et quatre équipes féminines, dont une en départementale, deux en régionale, et une qui joue en championnat de France National 3. Voilà, bon. Ça va, j'ai résumé à peu près? Oui, c'est ça. Et bonjour, Cinderella. Bonjour. Alors écoutez, tiens, j'ai quelque chose pour vous. Poter aux multiples visages, nord, sud, île, loyauté. Tes trois provinces sont l'image de ta grande diversité. Nous, tes enfants, tu nous rassembles, tempérons nos souvenirs. D'une seule voix, chantons ensemble, terre, tu es notre avenir. Nores, alus, okertono, adekoi, kudzem, nehenetho. Wene, tietone, loke, bokagu, rino, de, john. Soyons unis, devenons frères, plus de violence ni de guerre. Marchons fiers et solidaires pour notre pays. Et oui, ce sont des enfants qui chantaient, vous connaissez? Oui. Oui, c'est quoi? C'est l'hymne de la Nouvelle-Calédonie. Oui. Alors, qu'est-ce qui prime? C'est la Marseillaise ou l'hymne de la Nouvelle-Calédonie? L'hymne de la Nouvelle-Calédonie. Oui, quand même. Hein? Bien. Cinderella, tout le monde vous appelle Dédé, pourquoi? C'est mon surnom. C'est votre surnom? Oui. Alors, je vous appelle comment aujourd'hui? Comme vous voulez. Ah ben, d'accord, retour à l'expéditeur. Pourquoi êtes-vous venu à Nancy? Je suis venue à Nancy pour continuer mes études. Des études de quoi? Une licence TAPS. SAPS? C'est la faculté... Moi, je sais ce que c'est, mais tout le monde ne le sait pas. Oui, la faculté des sports. Et c'est pour continuer dans les métiers du sport. D'accord. Eh bien, écoutez, nous allons faire plus ample connaissance avec vous. Dites-nous tout, alors absolument tout. Hein. Alors, date et lieu de naissance, à votre âge, on peut le dire. J'ai 19 ans, enfin oui. 20 ans. Oui. Et je suis née en Nouvelle-Calédonie le 13 juillet, à Nouméa plus précisément. Des frères, des sœurs? Oui, j'ai 4 frères. Je suis l'aînée de ma fratrie et la seule fille. La seule fille? Oui. Papa, maman? Oui. Oui, ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font? Ma maman, elle travaille à Air France. Qu'est-ce qu'elle fait à Air France? Que RH, direction des ressources humaines. D'accord. Et mon papa, il travaille à la pharmacie du Medipol en Nouvelle-Calédonie, l'hôpital. D'accord, à l'hôpital. Oui. Les études en Nouvelle-Calédonie qui vous ont emmené jusqu'où? Jusqu'au bac, je pense? Oui, alors j'ai eu mon bac l'an dernier, un bac économique et social. Et par la suite, je suis venue en France parce que il n'y a pas de licence TAPS en Calédonie. Vous avez sans doute des centres d'intérêt autres que le basket? Oui. Plus précisément, la pêche et la chasse en Nouvelle-Calédonie. Et, ah bon? Oui. Pêcher quoi? Les poissons du lagon. On va reparler de ce fameux lagon. Ok. D'accord, des thésards, des quoi? Oui, du thésard, du thon. Oui, du thon, c'est gros ça. Oui, du thon. Et vous chassez quoi? Du cerf. Ah, je crois avoir compris pourquoi. Oui. Qualité, défaut. On commence par les défauts, allez, va. Mes défauts, je suis très ouverte, ce qui peut... Ah, ça, c'est pas un défaut. Si, c'est un défaut, quelques... des fois. Je me méfie beaucoup de certaines choses. Et voilà. On se méfie des virus également sur Internet ? Oui, voilà. Et vous avez des qualités à part ça ? Oui, je suis souriante. Très agréable en tout cas. Allez, disque suivant, c'est une chanson de Nouvelle-Calédonie et qui s'appelle Indifférente et Michelet Mollet. Oui. Ça vous dit quelque chose ? Oui. Oui ? Chaque seconde dure-t-elle une éternité? Les vases fondent, mes sentiments tourmentés. Comment ne pas périr sous le poids de la vie? Se délivrer et se dire qu'on peut tout oublier et on apprend tout à fait lâche de nos mensonges. Mais le quand dira-t-on, nous briserons de tous nos sens. Alors, bien entendu, Cinderella, je vais parler sous votre contrôle dans ce que je vais dire. Vous n'hésitez pas donc à me dire, attention, tu dis une connerie, bon, ben vous me le dites. La Nouvelle-Calédonie, ben, c'est un territoire français constitué de dizaines d'îles dans le Pacifique Sud et dans la mer de Corail. La Nouvelle-Calédonie est réputée pour ses plages bordées de palmiers et son lagon, propice au développement de la vie marine et qui fait partie des plus gros lagons du monde et qui en est certainement le plus beau. Vous êtes d'accord ? Oui. Oui, bon. Population 270 000 habitants pour la Nouvelle-Calédonie, pour une superficie de 18 000 km², soit grosso modo la superficie de 3 départements français métropolitains. Le chef-lieu, c'est Nouméa, avec 100 000 habitants. Et puis les pays voisins, ben on a l'Australie à 1400 km, la Nouvelle-Zélande à 1400 km également, et puis le Vanuatu, ça c'est le nouveau nom des Nouvelles Hybrides, un archipel de 83 îles, alors donc 83 îles bien entendu, c'est disséminé dans le Pacifique. Trois provinces pour la Nouvelle-Calédonie, province sud, la plus peuplée et la plus développée, province nord, la moins peuplée bien sûr, et la province des îles Loyauté, un peu à l'écart. Si le tourisme est en voie de développement, la plus grande richesse de la Nouvelle-Calédonie, c'est le nickel. On est d'accord ? Oui. Oui. Allez, musique ! Oh, question, Cinderella. Oui. Quelle langue parlez-vous? Je parle le français et avec mes grands-parents et plus mon père, on parle le wallisien. C'est-à-dire qu'à la maison, quand papa est là, vous parlez quoi? Le français. Oui. Et quelquefois le wallisien. D'accord. Et le wallisien, c'est... Donnez-moi par exemple un exemple de wallisien. Bonjour, tout ça. Bonjour, Malot et Maouli. Donc voilà, un exemple. D'accord. Bon. Objectif professionnel, vous avez dit que vous voudriez être dans les carrières de sport. Oui, c'est et ça. Et là, on va développer un petit peu. Alors, j'aimerais obtenir dans un premier temps ma licence, STAPS. La spécialité, je ne sais pas encore. Plus vers le management du sport. Et peut-être continuer en master. Et ça serait pour retourner en Nouvelle-Calédonie pour apporter mes connaissances, de nouvelles choses, afin d'apporter quelque chose à la Ligue de basket de Nouvelle-Calédonie. D'accord. Si j'ai bien compris, vous êtes là, ici, pas pour très longtemps. Oui. Oui, parce que le soleil de la Nouvelle-Calédonie me manque. Oui, on va en parler tout à l'heure, justement. Ok. Vous avez découvert le basket en Nouvelle-Calédonie? Oui. Racontez-nous ça un petit peu. J'ai découvert par le lien de la famille, c'est-à-dire que la majorité de mes cousines germaines, du côté de ma maman maternelle, faisaient tous du basket, donc elles m'ont lancé le défi de rentrer dans le basket. Est-ce que c'est le sport numéro 1 en Nouvelle-Calédonie? Je crois pas. Non, je pense pas. Non? Non. Donc vous êtes rentrée dans un club qui s'appelait? L'AS 6e kilomètre. Pardon? L'AS, l'association sportive du 6e kilomètre. C'est quoi le 6e kilomètre? C'est un quartier en Nouvelle-Calédonie. Et mon club s'appelle l'AS 6e parce qu'il se situe dans ce quartier. Et c'est un quartier qui est près de Nouméa? Oui. D'accord. Eh ben, musique. Sava feno afana no mata man fama karara no be feno adalan e fai no yan kale gualunande awon marijan ela ela yana mako once in a can man nani fufuna singoma ni afana ela ela tinera na kamba manta awon marijan awon marijan ela ela yana mako once in a can man nani fufuna singoma ni afana ela ela tinera na kamba manta sadiwa le tutulo no mi sanse fama ni mane jafa afa ma banu nu vi ma vu anser figa na te akanzo futsi lava mi la me dam manda me dam sadi do ti ma pu me ma nembe run fino ad alan saka ku kaluk nande awon marijan awon marijan ela ela yana mako once in a can man nani fufu na singoma ni afana ela ela tinera na kamba manta awon marijan awon marijan ela ela yana mako once in a can man nani fufu na singoma ni afana ela ela tinera na kamba manta le ferana tiadino fatsi metsi wenela na fata no matiro Evangiwa bedama Verana tsadino Fatsi metsi wenela Na vata no matiro ino me kumfelo mawa Marijan, ela ela yana mako once in a can Manna ni fufu ni singoma ni afanan Ela yela nchinera na kamba mantan Awun marian, un marishan Ela yela yanya mako wanchina kan Manna ni fufu ni singoma ni afanan Ela yela nchinera na kamba mantan Bon, imaginons, nous nous rendons en Nouvelle-Calédonie, Sidérella. Oui. Et qu'est-ce que vous nous conseillez de faire, de voir des lieux incontournables, je ne sais, à Nouméa? Je vous conseillerais plus d'aller dans le nord de la Nouvelle-Calédonie pour voir les cascades à Yengen. Il y a la poule de Yengen. Ah, on va en parler tout à l'heure. Et plus dans les îles Loyauté aussi, parce que les plages, elles sont magnifiques. L'eau, elle est turquoise. Et vous avez des piscines naturelles à l'île des Pins, par exemple, qui est une île tout au sud de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est dans les... l'île des Pins, c'est où? C'est une petite île qui est tout au sud de la Nouvelle-Calédonie. D'accord. C'est sur le caillou, alors? Oui. D'accord. Ok. Et Nouméa, vous ne m'avez pas dit? Nouméa, vous avez les cathédrales à aller visiter, le marché. Oui. Et voilà. Bon. Alors moi, je vais vous dire les recherches que j'ai faites. Okay. Et puis surtout, vous me dites si j'ai des bêtises. Hein. Okay. Oui, je n'en ai pas. Alors, découvrir les incontournables de cet archipel aux allures de cartes postales, ainsi que les petits coins de paradis. Oui. La Grande Terre, alors la Grande Terre, c'est le caillou. Oui, c'est le caillou. Et sa grande variété de paysages, aux couleurs franches, la terre rouge de la baie de Prony. Oui. Vous savez que je suis très sensible aux couleurs. Ah oui? Ben oui, je suis peintre. D'accord. Le parc verdoyant des chutes de la Madeleine. Oui. Donc là, c'est vert. Oui, c'est vert. Et le bleu du parc provincial de la rivière oui. Bleue. Oui. Oui. En passant par Vaux, alors ça s'écrit V-O-H. Oui. On découvre la mangrove en cœur. Oui, c'est qu'est-ce que c'est que cette histoire de cœur? La mangrove, elle forme un sort de cœur. Et il faut la visionner dans un hélicoptère ou dans un avion, c'est plus... Une vue aérienne. Oui, une vue aérienne. Oui. Et c'est magnifique. Et ça dessine donc un cœur? Oui, un cœur. Mais on a voulu le dessiner ou ça s'est dessiné non, comme non, ça? Non, c'est la nature qui l'a dessiné c'est, aussi. C'est naturel? Oui. Oui, et c'est quoi qui fait le contour du cœur? C'est de la mangrove. Oui, c'est d'accord. Toute la mangrove. Mais ce sont des arbres, c'est quoi? Oui, ce sont des arbres endémiques à la Nouvelle-Calédonie et qui vivent dans la mer. D'accord. Donc on va les retrouver uniquement en Nouvelle-Calédonie, ces arbres-là? Oui. D'accord. Nous parlerons de la flore, de la faune tout à l'heure. Okay. Au nord, la fameuse poule de Nguyen, une formation géologique extraordinaire, ainsi que la plage des billets de 500. Alors, la poule. Oui. C'est dans le nord de la Nouvelle-Calédonie, vous avez une roche qui forme une poule. Qui est immergée Oui, elle est immergée, on ne peut pas y accéder. D'accord. Et elle faut y aller à la nage. Oui, à la nage ou en bateau. Et du coup, elle forme une poule. Ça forme une poule. Mais on peut aller s'y balader dessus? Non, on ne peut pas. On ne peut pas? Non. On la voit de loin? Oui, de loin. Ok. Côté plage, celles de Nouvelle-Calédonie sont parmi les plus belles du Pacifique. Oui. Et vous nous parliez tout à l'heure de l'île des Pins. Oui, c'est ça. Dont la beauté et les eaux cristallines et l'élégance de ces pins font l'unanimité. Oui, vous y allez souvent? Non, j'y suis jamais partie, mais j'ai de la famille et des amis qui sont partis. Et elles nous ont ramené des photos magnifiques de l'île des Pins. D'accord. Et sur les îles Loyauté, Lifou et Marais sont de magnifiques fertiles, lieux de tradition encore bien vivace, ou encore Ouvéa et son croissant de sable blanc. Oui. Alors Ouvéa, bien entendu... C'est la patrie de... Des bêtises? Si, de Jean-Marie Tjibaou? Oui, c'est oui, ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est une île qui fait partie des îles Loyauté. Oui. Ok. Nouméa, alors maintenant on y arrive, avec le Centre culturel Jean-Marie Thibault, et qui met en valeur le patrimoine kanak. Oui, alors qu'est-ce qu'on peut y voir ? Au Centre culturel Thibault, vous avez des expositions avec différentes sculptures qui représentent la Nouvelle-Calédonie, les différentes cultures. Et nous avons les plantes endémiques aussi de la Nouvelle-Calédonie, près du Centre culturel Thibault. Le musée de Nouvelle-Calédonie, qui présente des objets venant de toute la région Pacifique, connaissez-vous ? Oui. Oui, aussi. Et puis l'aquarium, moi j'y passerai ma vie, l'aquarium des lagons, qui fait connaître la vie de marine locale, et en escapade, on découvrira le paradis en se rendant à l'îlot maître. Vous connaissez l'îlot maître ? Oui, l'îlot maître. C'est un truc à touristes ? Oui, l'îlot maître et l'îlot canard. Oui, c'est vraiment pour les touristes. Oui, quoi. Les touristes. Alors ils sont là, alors c'est pas des tentes qu'ils ont, c'est pas des pagodes, c'est des... Non, c'est des pharées. Des pharées ? Oui, on appelle ça des pharées. Qui sont dans l'eau ? Non, ils sont... Enfin, si, à l'îlot maître, nous avons des pharées dans l'eau. Et... voilà. Donc on peut prendre son petit déjeuner les pieds dans l'eau, quoi. Oui, voilà, exactement. Bon, d'accord. Allez, musique. Vous avez parlé tout à l'heure de la flore endémique de Nouvelle-Calédonie. Mais moi, j'aimerais bien qu'on parle de la faune. D'accord. Eh oui, la faune est originale et elle a en partie une origine gondwanienne. Ah, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ben, la Nouvelle-Calédonie provient en effet de la dérive d'un fragment du continent de Gondwana, qui ne comportait aucun mammifère d'ailleurs. Et les animaux qui sont en Nouvelle-Calédonie sont ceux qui sont arrivés du fameux Gondwana. Il y a moins de 2000 ans, existait encore en Nouvelle-Calédonie un oiseau coureur géant qui s'appelait le kangou. Qui s'appelait non. Le Sylviornis neocalédonien. sur cette faune locale très particulière, Cinderella. Oui. Moi, je vais vous proposer un petit quiz, vous voulez bien ? Ok, d'accord. Bon, alors attention. Hein. Première question. Il vit toujours en couple, ne divorce jamais, reste veuf à la mort de l'autre et ne pond qu'un seul œuf par an. Et il élève ses petits pendant 2 ans. Ça fait du monde à la maison, tout ça. Réponse. C'est le cagou. Alors, le cagou, c'est quoi ? C'est un animal qui est emblématique de la Nouvelle-Calédonie. C'est quoi ? C'est un chat ? C'est un chien ? Non, c'est un petit oiseau. C'est un oiseau ? Oui. De quelle couleur ? Il est gris et blanc. Et c'est l'emblème de la Nouvelle-Calédonie ? Oui, parce qu'on n'en trouve qu'en Nouvelle-Calédonie. D'accord. Ok. Donc, attention, hein, vit toujours en couple, ne divorce jamais. C'est un modèle de vie, tout ça. Hein. Oui. Deuxième question. Là, vous avez bien répondu. 1 point. Ok. Mais il y a 5 questions. Hein, on va voir. Oui. Deuxième question. Il apparaît là où les hommes s'installent. Il est albinos et il ne peut sortir que la nuit pour traquer les moustiques. Parce que s'il sort le jour, il ne peut pas. Oui. Hein. Dans la journée, il vit planqué derrière les tableaux ou sous les meubles. Et sa peau est rosée, presque transparente. Il pique des sprints sur les murs et les plafonds pour bouffer les moustiques. Et il possède des lamelles de type ventouse sous ses 4 pattes. Réponse. C'est le margouilla. Le margouilla. Oui, c'est un petit lézard. C'est une sorte de gecko. Oui, une sorte de gecko. Mais un peu particulier quand même. C'est pas le gecko, le gecko. Oui. D'accord. 2 sur 5, bravo. Alors, question... J'ai dû faire trop facile, non ? Non, ça va. Bon. Question 3. De la famille des Bernard l'Ermite, il est connu pour sa capacité à casser les noix de coco pour en manger le contenu. C'est le crabe de cocotier. Ah, comment il est, cet animal ? Il est super gros, il est plus gros que les crabes normales qu'on trouve. Et il a des grosses pinces et il vit dans les cocotiers en Nouvelle-Calédonie. Mais on peut se faire choper avec ça ? Comment ? On peut se faire choper un orteil ou quelque chose ? Ah oui, il faut faire très attention. Il faut faire gaffe alors. Oui. Hein ? Bon, bah, ça fait 3 sur 5. Hein ? Oui. 4e question. Il se nourrit de bois tendre et humide, qu'il soit larve, nymphe avec des pattes ou une tête, ou scarabée à l'âge adulte. Ces 3 insectes se dégustent lors de certaines festivités. Oui, c'est le ver de Boncoul. Le ver de Boncoul. Oui. Allez, parlez-moi de ça. C'est un asticot qui est tout blond et qui est assez gros qu'on trouve dans le bois. Et on le mange vivant. Oui, vous en avez mangé vous-même ? Oui, une fois. Et alors ? Et c'est désagréable dans la bouche, mais après... Oui, parce que ça gigote quand il pense la cerne. Oui. Et c'est super gros, hein. Oui. Et du coup, quand on l'avale, il est encore vivant, il bouge dans la bouche. Mais ça va. C'est dégueulasse ce que vous nous dites, là. Ouais. Et lors de quelle festivité est-ce qu'on savoure ce verre de Boncoul ? Plus précisément à la foire de Bouraille. Bouraille, c'est une ville en Nouvelle-Calédonie qui se situe en province nord. Et lors de cette fête, il y a un concours... pour la personne qui trouve le plus de verres de Boncoul. De verres, ah oui, oui de c'est vin. Une récolte des verres. Oui. Et après, on savoure tout ça. Oui, voilà, après, ouais. On partage les verres de Boncoul avec la population. Bon appétit. 4 sur 5, bravo. Merci. 5e question. Un oiseau connu pour fabriquer et utiliser des outils. Il est capable de rectifier la forme de l'outil a posteriori si celui-ci se révèle pas suffisamment efficace durant la tâche à exécuter. Donc c'est un animal qui utilise des outils et qui est capable de les modifier. C'est le corbeau calédonien. Le corbeau calédonien. Oui. Et qu'est-ce qu'il a ce corbeau-là ? Il prend tout ce qui passe sur son chemin. Quoi. Pardon ? Il prend tout ce qui passe sur son chemin. Ah bon ? Oui. Il bouffe tout ? Oui. Enfin, il mange pas, mais... Tous les outils qu'il trouve, il les prend. Il les prend et il les utilise ? Oui. Ok. Ben, vous comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5 sur 5. Bravo. Merci. Hein, vous avez toutes les réponses. Oui. Ouais, j'aurais dû faire plus dur. Hein. Oui. Bon, la prochaine fois. D'accord. la prochaine fois. Mais en tout cas, bon, on va faire un coup de musique là, oui? Allez, musique. Maintenant, Cinderella, c'est vous qui allez parler, qui avez parlé longtemps. Oui. Le basket en Nouvelle-Calédonie, les sélections, les épreuves, les résultats, les meilleurs moments. On sait que vous arrivez avec un palmarès long comme le bras. Allez-y, oui. C'est pour vous. Alors, le basket, j'ai commencé très jeune, à l'âge de 10 ans. Et dès le début, j'ai été remarquée et j'ai eu la chance de faire partie de plusieurs sélections. Et ma première sélection, ça a été l'Égypte en Nouvelle-Calédonie. Et depuis cette sélection, j'ai aimé participer à des compétitions et du coup, j'ai continué. Je suis partie notamment à Fidji 2 fois pour les U16, les moins de 16 ans. À Fidji, alors là, vous étiez vous représentez la Nouvelle-Calédonie ? Oui, c'est ça. D'accord. À Fidji 2 fois. C'était les moins de quel âge ? 16 ans, moins de 16 ans. 16 ans, d'accord, ça a 4 ans donc. Oui, voilà. Ouais. Et je suis partie notamment en Nouvelle-Zélande aussi pour les moins de 16 ans. Toujours pour représenter la Nouvelle-Calédonie. Toujours pour représenter la Nouvelle-Calédonie. Oui. J'ai effectué aussi les préparations aux Jeux du Pacifique où on a fait des déplacements en Australie. Et avec mon club, notamment, nous avons gagné plusieurs championnats qui nous ont permis de venir dernièrement en France au mois de juin pour participer à un tournoi de National 2. Mmh. Et au mois de juillet, j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe pour représenter la Nouvelle-Calédonie aux Jeux du Pacifique à Samoa. Alors, les Jeux du Pacifique, pour nous, c'est un peu loin. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu les choses? Oui, les Jeux du Pacifique, c'est une compétition qui rassemble toutes les îles du Pacifique. Et on se rencontre dans diverses disciplines telles que le basket, le rugby à 7 et d'autres sports. Mmh. Et vous arrivez à Nancy? Oui. Et vous avez cherché un club, bien sûr? Oui. Pourquoi Nancy? Alors Nancy, parce que c'est tout d'abord c'est le seul établissement qui m'ont accepté. Et... Ah, vous parlez de la faculté, ça? Oui, oui, oui. D'accord. Et du coup, j'ai cherché un club de basket et je m'y plais bien à Tomblaine. Très bien. ASPTT, Nancy, Tomblaine. Oui, c'est ça. Oui. Actuellement, vous êtes combien au classement de votre poule du championnat de France? On est sixième actuellement. Vous êtes sixième? Oui. Et il nous reste encore des matchs. Oui. Alors effectivement, le club a perdu ces dernières années de très bons éléments. Oui, soit ça. Parce qu'ils ont déménagé, soit parce qu'ils ont été autres. Et Cinderella arrive à point nommé pour amener toute sa fougue, sa vivacité, son expérience et sa réussite, n'est-ce c'est pas ça. Meilleur moment? Alors, meilleur moment, tout ça a été des expériences magiques pour moi. Et celui que je préfère le plus, c'est les Jeux du Pacifique à Samoa, parce que depuis petite, j'ai rêvé de participer aux Jeux du Pacifique. Et au moment même, mon rêve se réalisait, quoi. Du coup, j'étais super contente et c'est vraiment une bonne ambiance d'être entourée de plusieurs... plusieurs personnes de la Nouvelle-Calédonie qu'on ne connaît pas forcément et y a une solidarité qu'on ne voit pas forcément. Musique. J'entends. Et la mer Une petite faim, pourquoi pas? Allez, la cuisine néo-calédonienne. Alors, bien entendu, toujours pareil, hein, vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Hein. Oui, pas de souci. Alors, métissée à l'image de sa population, la cuisine offre un dépaysement total grâce aux fruits et légumes exotiques, mais aussi aux produits frais issus du lagon, comme les poissons et les crustacés. Oui. Alors, on va essayer de parler de certaines spécialités. D'accord. Oui, vous-même, est-ce qu'il y a une spécialité comme ça qui vous passe par la tête? Celle qui représente le plus la Nouvelle-Calédonie, c'est le bougna. C'est le bougna. Oui. Alors, parlons-en de ce bougna. Je vous écoute. Alors, c'est un plat traditionnel kanak. Et on peut trouver du poulet comme du porc. Et c'est mélangé avec des taros, des maniocs. Alors ça, c'est du poisson, le taro. Non, le taro, c'est un légume. Oui, c'est un légume. Oui, le manioc aussi, oui. Le manioc un tubercule. Aussi, oui, un tubercule. Et quand on mélange, on peut mettre aussi du poisson et qu'on marine avec du lait de coco. Oui. Et voilà. Qu'on fait cuire dans un four traditionnel. Alors, un four traditionnel, c'est quoi? Un four traditionnel, Un four c'est... traditionnel kanak. Oui, kanak, c'est... on fait cuire sur des roches, enfin sur... Sur des pierres. Des pierres chauffées. Oui. Qu'on recouvre d'une bâche. Oui. Et on recouvre de terre. Et on laisse pendant 2 heures et demie. Et tout ça, c'est dans un grand trou. Oui, dans un grand trou. Oui. Et c'est le four kanak, donc. Four kanak, oui. Plat traditionnel, le bougna. Oui, c'est ça. Ok. On a parlé tout à l'heure de cet animal-là qui est capable de casser les noix de coco. Le crabe de cocotier. Oui. Oui. Alors, aussi gros qu'un poulet? Oui. Oh, c'est vraiment énorme. Oui, c'est énorme. Alors, il possède de grandes et fortes pinces. C'est ça. Et on le sert avec de la mayonnaise. Oui. Ou encore? De l'aioli fait maison. D'accord. Oui. Ok. Les crevettes, oh, bah ça, les crevettes, il y en a partout. Oui, il y en a partout. Oui, mais le problème, c'est que les crevettes, là-bas, sont bleues. Oui, elles sont bleues. Elles sont bleues comment? Elles sont bleues vivantes ou elles sont bleues quand on les fait cuire? Non, elles sont bleues quand elles sont vivantes et quand on les fait cuire, et elles deviennent oranges comme toutes les crevettes. D'accord. Alors, de grosse taille. Oui. Un goût iodé et légèrement sucré. Oui. Et une chair juteuse et ferme. Tiens, on va passer un peu de musique. Ben on va continuer justement notre liste de dégustations. C'est un menu, c'est la carte. Oui. Hein, avec les escargots de l'île au pain. Vous nous parliez tout à l'heure de l'île au pain. Oui. Alors les escargots, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Mais ils sont super énormes, ils sont gros et ils sont juteux, ils sont trop bons. Et on les appelle comment? On leur donne un nom? On les appelle pas escargots là-bas, si? Je sais pas. Il me semblait qu'on les appelait des bulimes. Ah oui, oui, oui, ouais. Ah, bah, si vous savez pas, vous me demandez, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, on les sert en soupe ou à la bourguignonne avec ail et beurre persillé. Ouais, c'est ça. La langouste. Alors, la langouste, une taille démesurée, mais tout est gros là-bas. Oui. Et sa couleur verte, langouste verte, tu te rends compte, sont surprenantes, bouillies, puis servies froides ou grillées au feu de bois. La salade tahitienne. Oui, la salade de poisson. Déborde un peu, là. Oui. Hein? Alors, des poissons, la loche, le tazar, le perroquet, c'est un poisson aussi. Oui. Ou le thon. Sont découpés, arrosés de lait de coco, puis accompagnés d'oignons, concombres, tomates, poivrons et carottes. Puis on rajoutera par-dessus du jus de citron, ou alors de la sauce soja si on veut pas, oui. Si on veut pas utiliser la sauce habituelle. La salade de cerf, du cerf chassé par Cinderella. De la viande de cerf crue, marinée dans la sauce soja, plus jus de citron, oignons verts, persil chinois, moutarde, ketchup et wasabi. Oui. Et vous en attrapez souvent, les cerfs ? Oui. Et alors ? À chaque fois qu'on part dans le nord, ben on fait un coup de chasse, comme on dit chez nous, et ben on fait une bonne salade de cerf. D'accord. Les poissons du lagon, donc on les a cités, on ne va pas les reprendre. Les fruits tropicaux, alors noix de coco, litchi, mandarine, banane, mais pas n'importe quelle banane, banane oui. Poingo. Oui. C'est une banane à cuire, c'est quoi ? Oui, oui, on peut la cuire ou la faire cuire ou la manger. Et c'est une banane de taille petite, mais très épaisse. D'accord. Alors, les petits maïs, ananas, pomme cannelle et pomme canac. Ah, pomme canac, c'est quoi ça ? Pomme canac, c'est un petit fruit rouge qui est très sucré et qu'on mange quand c'est la saison. Mangue, citron, pamplemousse et goyave. Oui. Ah, il paraît qu'il ne faut pas que je dise goyave, mais goyave. Oui. Parce qu'on dit voyage. Oui. On dit non, goyave. Je l'ai bien dit, oui. Oui. Le poé, un gâteau préparé avec de la farine de manioc, de la purée de banane ou de la purée de citrouille, et cuit en le nappe de sucre et de lait de coco. Oui. Il paraît que c'est un vrai régal pour les papilles. Oui, oui, oui. Vous aimez bien ? Oui. Et puis le cava, alors là, apparemment, c'est plus... Les plus aventureux, ils goûteront. Bon, ça veut dire qu'il faut être habitué, quoi, si oui, j'ai bien compris. Ça arrache. C'est une boisson locale réalisée à partir de racines de poivrier. Oui, c'est ça. Allez, musique. Joanny, comme tu es un petit peu la star du Hang Klung, ce soir, je vais te laisser annoncer la prochaine chanson. Je t'écoute. La prochaine chanson s'intitule Sangupka Kita. Qui signifie ? Sommes-nous capables ? Eh bien, moi, je suis sûre que tu es capable de bien jouer. Merci encore, on applaudit encore les Hang Klung Vibration. L'adaptation à la vie nancéenne. J'aime beaucoup Nancy Et j'y m'y plais et j'aime. Enfin, la ville, elle est très belle. Après, le climat me dérange un peu parce qu'il pleut souvent et il fait super froid, mais je m'adapte. Alors, actuellement, si j'ai bien compris, c'est les saisons chaudes actuellement dans Nouvelle-Calédonie. Oui, c'est ça. Oui, ça doit vous changer, non? Oui. Est-ce que vous avez déjà vu la neige? Non, pas du tout. Jamais? C'est une première pour moi, oui. Ah, et la glace? Oui, la glace, oui. Vous avez vu, qu'est-ce qui est peut-être gelé là-bas? Parce qu'en fait, ça gèle pratiquement jamais. Non, ça gèle pas. Oui, oui. Mais bon, ben, la glace est dans le réfrigérateur. Oui, voilà, dans le réfrigérateur. Donc, la nourriture française. La nourriture nancéenne. La potée lorraine. Ouais, c'est beaucoup le fromage, quoi. Ici, on a le choix de sur le fromage. La quiche lorraine. Oui, la quiche lorraine. Et moi, j'aime beaucoup les raclettes. Ah oui, d'accord. On n'en fait pas souvent en Nouvelle-Calédonie, vu qu'il ne fait pas extrêmement froid. Mais ouais, j'aime ça, les raclettes. Donc, vous vous accoutumez relativement facilement à la nourriture. C'est ça. Ok, le rythme de vie Ça va. Enfin, il fait un peu lourd en ce moment, mais... ça va, je m'adapte. Oui. Quand on va fouiner sur YouTube, on s'aperçoit que vous avez une chaîne YouTube. Oui, c'est ça. Allez, parlez-nous-en un peu. Ma chaîne YouTube, elle me permet d'écouter les musiques que j'aime, et notamment les musiques de la Nouvelle-Calédonie, de chez moi, et de me ressourcer un peu. Donc vous avez 5 playlists, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Hein? Oui. Avec du zouk? Du zouk, de la musique calédonienne. Oui, polynésienne? Polynésienne, oui. Et voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour accéder à votre chaîne YouTube sur, il faut faire quoi? Il faut taper quoi? Simplement mon prénom et mon nom de famille. Cinderella. Fanaloupé. Fanaloupé. Voilà. Cinderella, je le répète, hein. Oui. Fanaloupé. Très bien. Eh bien, Cinderella, elle a donné son accord pour le programme musical que nous avons contacté. Ça va, ça collait à peu près avec ce que vous vouliez. Oui, c'est ça. Oui, très bien. Et puis, Patchork, numéro 40. Patchork, elle écoute des musiques du monde, va se terminer. Merci aux participants, bien sûr. Merci à Yves et Valentin pour la réalisation technique. Et merci à vous, les auditeurs, de nous avoir écoutés. Avant de vous laisser en compagnie de Thierry pour son émission Discothèque Classique, quelques notes d'une dernière chanson de Nouvelle-Calédonie. Allez, au revoir.